faire ton métier? Je leur réponds, ouais, je prends le risque de me faire reconnaître dans la rue. C'est ma passion, c'est mon étoile, et ça j'en suis sûr. Vous pensez en ce que vous voulez, du bien ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que moi, je sais que j'ai raison. À l'éducation stricte, sans télé, sans permission, et surtout sans musique. Je leur réponds, fais comme tu veux mon gars, mais si tu veux pas, qui se rebelle à 16 ans et qui te tape, moi je te le conseille pas. Vous pensez en ce que vous voulez, du bien ou pas. Je sais que j'ai raison. Ils me disent la chose la plus importante, c'est l'école. C'est ça qui t'apportera un métier, une vie, une auréole. Je leur réponds, fais comme tu veux, petit. Mais moi, je t'assure qu'un simple talent. Pensez-en ce que vous voulez, du bien ou pas. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr.